بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous allons commencer l'explication des trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Nous avons cité dans la précédente introduction que Cheikh Mohammed a écrit cette épître pour les gens du commun, que cette épître, à l'époque où il y avait l'État islamique dans le Nejd, était enseignée dans les mosquées, et que même elle était apprise par cœur par les gens, et qu'on les interrogeait après la prière sur les trois fondements, pour être sûr qu'ils connaissent réellement dans les premiers temps de l'État islamique au Nejd, et je pense dans le premier État islamique au Nejd et dans le deuxième. Sachant que le troisième état, qu'on appelle le troisième état saoudien, est un état de mécréance dès le départ, alors que les deux premiers étaient des états islamiques qui ont été détruits, le premier par les armées ottomanes envoyées d'Égypte, à la tête de laquelle était Mohamed Ali Pacha, qui est un Albanais d'origine, qui était franc-maçon, et le deuxième aussi par les ottomans qui ont détruit l'état islamique dans le Nejd. Peut-être on détaillera ces questions historiques par la suite, on verra. Donc on va commencer sur ça. On va s'abstenir de faire une biographie détaillée de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais l'essentiel, Cheikh Mohammed est né dans le Nejd. Il appartient à la tribu de Beni Tamim, dans une famille de science. Son père était un savant hanbalite, son frère aussi. Il a étudié dès son plus jeune âge. Il a appris le Coran par cœur. Et certains de ses biographes citent qu'à 10 ans, il dirigeait déjà la salat. À 10 ans. Il était déjà imam, après il connaissait le Coran par cœur. Il a étudié les livres qui étaient présents chez son père, le fiqh Hanbali, certains livres de tafsir et de hadith. Et je ne sais pas si c'est chez son père ou par la suite, lors de ses nombreux voyages à la recherche de la science, qu'il est tombé sur les livres des deux imams Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, qui lui ont fait comprendre l'état de sa communauté, ou de la communauté à son époque, et l'état des gens, particulièrement dans sa région du Nejd. On voit cette influence dans ses livres et dans ses épîtres, et on voit qu'il cite nommément des livres d'Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, et c'est certainement ce qui lui a fait comprendre certaines questions liées à l'adoration des tombes, au fait que le shirk soit répandu, qui sont déjà explicitement dans les livres d'Ibn Taymiyyah, comme Iqtida Sirat al-Mustaqim, le fait de suivre la voie droite, dans le fait de se différencier des idolâtres, de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ou le livre Irath al-Hafan d'Ibn al-Qayyim, dans lequel il analyse les moyens que le diable met en œuvre pour égarer l'homme, dans lequel il cite entre autres un chapitre sur Al-Fitna Tubul Qubur, la tentation par les tombes, où il cite l'adoration des tombes, etc., etc. Il a voyagé dans de nombreuses villes, il a été à Médine, il a été à Koufa en Irak, il a été dans Al-Basra en Irak aussi. Il a étudié, ses biographes racontent que quand il arrivait dans un endroit et qu'il trouvait par exemple un livre de Ibn al-Qayyim, il le recopiait entièrement. Ils disent qu'il a recopié Alam al-Maqayn, qui est un livre très important, Zad al-Ma'ad, il en a résumé certains. Allah lui a ouvert, lui a fait comprendre l'état de la religion en son temps. Quand on lit l'état réellement des gens dans le Nejd, on se dit qu'ils étaient revenus à al-Jahiliya, l'adoration des arbres, des tombes, des tawarites, des gens qui acceptent clairement l'adoration, que les gens vont voir, qu'ils adorent en dehors d'Allah, pour qu'ils sacrifient, pour qu'ils font des vœux pieux, des nadr, etc., etc. Des savants du mal, par exemple un savant hanbalite très connu dans Nejd, qui écrivait des talismans de sorcellerie pour les gens, alors qu'il enseigne un livre qui s'appelle Iqna', dans lequel il est dit que telle chose est du shirk et telle chose est du sihr, de la sorcellerie, comme quoi c'est du kufr. Sur Mohammed lui a écrit et la sortie de l'islam, etc. Toutes ces choses-là. Il a écrit de nombreux livres et de nombreux épîtres, certains qui sont connus, d'autres qui ne sont pas du tout connus d'ailleurs. Parmi les plus connus, ces trois épîtres, sur le Thalatha, les trois fondements, qui est un très petit épître, mais qui a beaucoup de sens. Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des confusions, qui est très intéressant et très important pour comprendre la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid, qui est un livre qui est finalement un ensemble de versets et de hadiths qui concernent le Tawhid, mais c'est un des meilleurs livres dans le sens où il a rassemblé la majeure partie des ayats et des hadiths qui sont liés à l'unicité d'Allah, Azza wa Jal. Et c'est un livre dans lequel on voit la modestie du savant, dans lequel il va pas ramener beaucoup de paroles, mais juste des versets, des hadiths et des paroles de salaf, exactement comme dans l'usul salaf, tout le temps, c'est pratiquement que des versets du Coran. C'est ça l'intérêt d'étudier les livres d'un tel savant. On le retrouve dans les livres d'autres savants, par exemple dans l'Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah, c'est quasiment que des versets et des hadiths, ou dans les livres justement d'Ibn Taymiyyah ou d'Ibn Qayyim, c'est comme ça. Et bien sûr, dans les livres des salaf, lorsque Al-Bukhari il a rassemblé son sahih, il fait quoi? Titre de chapitre, un verset du Coran et des hadiths et parfois des paroles de salaf ou quoi que ce soit. Et c'est réellement ce qu'on demande d'un livre de science, c'est qu'il nous rassemble les preuves d'une question donnée et qu'on puisse accéder à toutes les preuves avec des commentaires des savants, mais sans plus que ça soit un livre philosophique ou qu'il soit venu à quelque chose de nouveau. Donc on commence l'explication de ce livre-là avec l'aide d'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a commencé son livre par al-Basmala, en prenant l'exemple de ça du livre d'Allah Azza wa Jal, et des écrits du prophète. Les écrits du prophète, c'est-à-dire des lettres qu'il a envoyées lors de la période médinoise aux rois et aux chefs. Il commençait ses lettres par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on ne va pas se détailler tellement, celui qui veut savoir le sens de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui revient au livre de Tafsir, Tafsir ibn Kathir, Tafsir al-Fatiha, etc., etc. Il dit ensuite, I'alam rahimakallah, أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أو يجب علينا أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache, pour que la personne prête attention à ce qui va suivre, qu'Allah te fasse miséricorde, ça fait partie de la miséricorde du Cheikh d'invoquer Allah pour celui qui lit son écrit. Qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Obligatoire, qu'est-ce que cela signifie? Al-wujub, yajibu alayna, al-wujub, l'obligation dans notre sharia, c'est le fait de dire, ils l'ont défini les savants de l'usul en disant ma yuthabu fa'iluhu imtithalan, ce l'obligatoire, c'est celui qui le fait, il sera récompensé par Allah. Et celui qui le délaisse, il mérite le châtiment d'Allah. C'est-à-dire que Allah peut le châtier, comme il peut lui pardonner, si c'est une obligation qui n'est pas un pilier de la religion. Les obligations dans la charia, il y a de nombreuses obligations, comme il y a de nombreux interdits. Parmi les obligations, il y a des obligations qui sont des conditions pour l'islam. Le tawhid est une obligation. Celui qui ne l'a pas, il n'est pas musulman. La salat est une obligation. Celui qui ne fait pas la salat n'est pas musulman. C'est un kafir. De même, les interdictions sont de plusieurs niveaux. Le shirk est la plus grande interdiction. Celui qui le commet n'est pas musulman. Le fait de boire de l'alcool sans le rendre permis, sans faire istihdal, c'est un péché qui ne fait pas sortir de l'islam, etc., etc. Quatre choses qu'il va détailler, qui sont réellement, si on les définit, ils ont été cités par Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad, dans le troisième volume, comme étant Jihad al-Nafs, ce qu'on appelle le Jihad de l'âme, hein, qui est de quatre niveaux. Cheikh Mohammed, il les a définis tels que cela. Il a dit Al-ilmu wa huwa ma'rifa, al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din l'islam bil adilla. Le premier niveau, l'ilm, la science. Wa huwa ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah, c'est-à-dire la connaissance de son unicité, de ses noms et de ses attributs, et la connaissance d'Allah Azza wa Jal par les preuves, on va voir par la suite. Wa ma'rifatu nabiyhi, et la connaissance de son prophète, c'est-à-dire connaître qui est le prophète, Muhammad ibn Abdullah, quelle est sa vie, etc., etc. Sachant que sur chaque science, la troisième déjà, et la connaissance du din, de la religion, mais on va voir, Inch'Allah, par la suite, ce que signifie réellement le mot din, l'islam, ce que signifie aussi l'islam, bil adilla, par les preuves. C'est très important, ça, par les preuves. Ces trois choses, c'est les choses qui sont demandées à l'homme dans sa tombe. Comme c'est rapporté dans le hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud, selon Al-Bara ibn Azib, c'est un très long hadith qui est cité dans Tafsir ibn Kathir, en Surat Ibrahim. Comme quoi, quand la personne, c'est un hadith qu'on ne va pas citer parce qu'il est très long, on pourrait éventuellement le citer par la suite. Comme quoi, quand la personne arrive dans sa tombe, les anges viennent et lui demandent Man rabbuk, ma man nabiyuk, wa ma dinuk, ou ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha ilaykum, ou comme a qala sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et que dis-tu sur cet homme qui vous a été envoyé. Le croyant répond Rabbi Allah, wa din al-Islam, wa huwa Muhammad ibn Abdullah, arsalahu bil haqq, etc., etc. Dans le sens du hadith. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme-là, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version du hadith, c'est assez intéressant, je regrette de ne pas l'avoir ramené, c'est un oubli de ma part, on verra par la suite, Inch'Allah. Comme quoi, il dit, comment as-tu su cela? Et il répond, qara'tu kitab Allah, j'ai lu le livre d'Allah. C'est la preuve que quoi? Que ces choses-là, c'est par la preuve. Et que la preuve, c'est quoi? C'est la lecture du livre d'Allah. Réellement, celui qui lit le livre d'Allah, il aura la connaissance de ces trois choses. De manière, il aura, le, on va dire, le minimum obligatoire de la connaissance de ces trois choses. Sur la connaissance d'Allah, non. Il aura une grande partie de la connaissance d'Allah qui est dans le Coran et la Sunna, comme on l'a précédemment dit. En ce qui concerne la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il saura qu'il est prophète, il saura des événements, mais les événements détaillé de sa vie, il faudra qu'il revienne au livre de Hadith et au livre de Sirah. En ce qui concerne la religion de l'islam, il connaîtra le minimum obligatoire de l'islam, la base de l'islam, c'est-à-dire la connaissance du tawhid, de l'interdiction du shirk, du fait de mettre en ta route et d'unifier Allah dans ses caractéristiques propres. Par contre, il n'aura pas le détail des obligations, il n'aura pas le détail des règles de la purification, le détail des règles de la salat, le détail des règles du siyam, etc., etc., qu'elles sont dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la deuxième révélation d'Allah. Allah nous a révélé deux révélations. La première, c'est le Coran, la deuxième, c'est la sunna. Celui qui renie la sunna, c'est un kafir. Celui qui renie de manière générale toute la sunna, qui dit le hadith, je ne prends pas, non seulement c'est un kafir, mais en plus c'est un imbécile. C'est un kafir parce qu'il a renié quelque chose dont Allah a dit, Azza wa Jal, il nous a dit d'obéir au messager. Et il a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala yantiqu anil hawa, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et c'est un imbécile parce que s'il fait la salat, il trouvera que la manière de faire la salat n'est pas explicitée dans le Coran. Le fait de se lever, de dire Allahu Akbar, de lire Al-Fatiha, de faire Rukou, de faire Sujud de cette manière-là, 4 raka'a avec Tashahud al-Awwal, Tashahud al-Thani, etc. Ce n'est pas explicité dans le Coran. Tout ça est explicité dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. De même, dans le hadith authentique, lorsqu'il a fait le Hajj, il a dit, il s'est levé devant les gens, il a dit, Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites du pèlerinage. Les rites du pèlerinage ne sont pas détaillés dans le Coran. Ils ont été détaillés par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement le hadith de Jabir, rapporté par Muslim, dans lequel il l'a détaillé. Jabir nous a rapporté en détail le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'on fait le hajj en fait. On va détailler de toute façon ces trois points, puisque c'est le sujet de cette risala. C'est le sujet de cette risala, le fait de savoir ces trois choses, la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, et la connaissance de la religion de l'islam par les preuves. Par les preuves. Par les preuves, c'est très important. Bil adilla. Ça veut dire que, comme l'ont dit les ulama, en ce qui concerne asl al-din, la base de la religion, le taqlid est interdit. Mais même le taqlid serait une sorte de mécréance. Il y a divergence sur ce sujet-là. L'essentiel, on lit ce que nous dit un des imams du Najd, un des savants du Najd, parmi les étudiants des étudiants de Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, qui dit Qal Cheikh Abdallah ibn Abdurrahman Abba Batin. Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Babtain l'a dit, Fardun ala kulli wahidin ma'rifat al-tawhid wa arkan al-islam bid-dalil. Il est une obligation pour chaque personne de connaître le tawhid et les piliers de l'islam par la preuve. Wa la yajuzu at-taqlid fi dhalik. Il n'est pas permis de faire at-taqlid sur cela, de faire le suivi aveugle sur cela. Lakin al-ammi, mais la personne du commun, alladhi la ya'rif al-adilla. Il dit, mais la personne du commun, parmi les illettrés, les gens vraiment. Qui ne connaît pas les preuves, qui n'a pas la capacité. إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ وَحْتَانِيَةَ الرَّبِّ. S'il croit en l'unicité d'Allah, à l'unicité d'Allah, wa risalat Muhammad, et au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa yu'minu bil ba'th ba'd al maut, et il croit à la résurrection après la mort, wa bil jannati wan nar, et il croit au paradis et à l'enfer. Et il cite quelque chose de très important, wa anna hadhihi al umur al shirkiyyah allati tuf'al 'inda hadhihi al mashahid batilatun wa dalal. Il dit, et qu'il croit que ces actes de shirk qui sont faits sur ces mausolées, sur ces tombes, sont fausses et sont égarements, batilatun wa dalal. Pourquoi? Parce que c'est le shirk qu'il y a à leur époque là, dans Najd ou quoi que ce soit, le shirk le plus répandu. Donc il dit, il faut qu'il sache, il met par la condition de l'islam, même pour l'âme qui ne connaît pas de dalil, il doit savoir que ces choses-là, c'est du shirk. Renier, c'est-à-dire renier le tarot, c'est ça. فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما s'il croit en cela d'une croyance ferme لا شك فيه qui n'a aucun doute فهو مسلم, c'est un musulman, c'est-à-dire il est considéré comme musulman même s'il n'a pas de délai. Après, est-ce qu'il a délaissé l'obligatoire à lui de connaître les preuves de chaque chose que ce soit, ça c'est une autre question, mais il est considéré comme étant musulman. وإن لم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين للقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. Même s'il ne peut pas donner la preuve de chaque question, car la masse des musulmans, même si on leur faisait apprendre le dalil, ils ne comprennent pas le sens en général. Ça, c'est une parole qu'on n'est pas en accord avec le shir. On pense que les sens du Coran et la Sunna sont compréhensibles pour chaque personne. Sinon, Allah, il ne nous aurait pas révélé ces choses-là. Il y a des preuves en cela dans le Coran et la Sunna. L'essentiel, la généralité de cette déclaration du shirk est vraie. C'est-à-dire qu'il y a un minimum obligatoire à savoir pour chaque musulman. Qu'Allah est unique, que Mohammed est le prophète, que le shirk est du shirk, il doit renier ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme l'a rapporté Ibn Hazm dans certaines paroles. Il faut qu'il renie toute religion autre que l'islam. C'est-à-dire que la personne, c'est ça, une grande leçon, lorsqu'on appelle quelqu'un à l'islam, lorsqu'une personne va se convertir, il faut lui expliquer le tawhid. Et essayer le minimum possible de lui montrer les preuves dans le Coran. C'est simple. Les preuves du Tawhid dans le Coran sont connues. Preuves de l'unicité d'Allah, les preuves de l'unicité d'Allah, de l'obligation de l'adorer, de l'unifier dans l'adoration, etc. De n'aimer que lui, de craindre que lui, de prendre pour juge que lui, etc. Les preuves de l'alliance et du aveu, de manière générale. Comme quoi, il doit savoir, au moment où il rentre à l'islam, qu'une personne qui ne remplit pas les conditions de l'islam, qui adore un autre qu'Allah ou quoi que ce soit, n'est pas sur l'islam. Il doit savoir ces choses-là. Il y a des preuves en soi. Inch'Allah, on détaillera ces questions par la suite. Al-Thaniyatul Amaloubi. Deuxièmement, après avoir connu cette science-là, le fait d'agir selon cela. C'est-à-dire le fait d'agir selon les enseignements, selon la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam par la preuve. Ils traduisent certains, la deuxième, sa mise en pratique. Fait de mettre en pratique la connaissance d'Allah, de son messager, de la religion, de l'islam. Si une personne a la connaissance de l'islam, c'est un point qu'on va détailler inchallah aussi par la suite, si une personne a la connaissance de l'islam, d'Allah, de son messager, de la religion de l'islam, mais même qui témoigne de la vérité par sa bouche, mais qui ne met pas en pratique ce qu'il a appris, n'adore pas Allah, Jalla wa Ala, il ne prend pas pour allié les musulmans, il ne prend pas pour un ami les mécréants, etc. etc. Cette personne-là n'est pas musulmane. Al-amal ruknun fil iman. L'acte, la mise en pratique de la foi, pratique par les membres, est un pilier de la foi. Celui qui le délaisse, il a délaissé la foi. Il a délaissé l'iman. C'est ce qu'on va détailler. Il y a de nombreuses preuves. La plus grande preuve, c'est la compréhension de ce que signifie l'adoration. Lorsque Allah a dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ » et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en toute sincérité ou exclusivement. Adorer Allah, ça ne veut pas dire croire Allah par son cœur. Adorer Allah, ça veut dire adorer Allah Azza wa Jal, se soumettre à lui par le cœur, la bouche et les membres. En réponse à la secte des Murji'a et leur tête parmi les contemporains qui considèrent qu'une personne, s'il a la croyance dans son cœur et qu'il dit le témoignage par sa bouche et qu'il meurt sans s'être prosterné devant Allah ou sans avoir adoré Allah, cette personne-là est un musulman et qui mérite le paradis après être passé par l'enfer. Ce qui est contraire au Coran, à la Sunna, à l'Ijma', je dirais même à l'aql, à la raison, et à la fitra, à la saine nature. C'est contraire à toutes les preuves de notre Sharia. On détaillera, Inch'Allah, cette question-là. La troisième, thalithatu da'watu ilayh, le fait d'appeler les gens à cela. C'est une grande question, le fait d'appeler les gens à cette religion. On voit qu'une personne, il peut pas, dès qu'une personne aura a conscience d'une vérité en général, qu'il a la conviction profonde de cette vérité, qu'il a étudié cette vérité, qu'il pense être une vérité, que ce soit une vérité ou pas. C'est une règle générale pratiquement qui s'applique à toute l'humanité. Il va forcément appeler les gens à cette chose-là. Forcément. S'il a la conviction profonde d'une chose, il va appeler les gens à cette chose-là. C'est pas possible, ou quasiment pas possible, ou en cas par exemple de persécution extrême ou quoi que ce soit, qui va peut-être... Non. En tout cas, il va être obligé, de manière générale, d'appeler à l'islam. D'appeler, pas à l'islam, d'appeler à ce qu'il croit être vérité. Bien sûr, dans l'islam, c'est une obligation. Une fois que la personne a compris le tawhid, qu'il a compris ses conditions, ses annulations, etc., qu'il a compris dans la religion, il doit appeler les gens. Appeler la da'wa, elle a plusieurs manières. On va citer les preuves de la da'wa. Lorsque Allah Azza wa Jal, il a dit à son prophète, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. C'est le premier niveau de la da'wa. Et avertis les gens de ta tribu et tes proches. C'est dans Surat al-Shu'ara, les poètes, le verset 214. Donc il lui dit d'appeler ses proches. C'est ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On sait que la da'wa du prophète, elle est passée par plusieurs niveaux, par plusieurs étapes. Pendant 3 ans, la da'wa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sirriya, secrète. Ils se réunissaient dans l'arqam, ils apprenaient leur religion, le Coran, le tawhid, etc. Et ils n'appelaient à l'islam que ceux en qui ils avaient confiance. Ils appelaient à l'islam que ceux qui avaient confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Abu Bakr rentre dans l'islam, Abu Bakr va faire la da'wa. Il appelle les gens en qui il a confiance. Uthman, etc., etc. Cette manière de faire da'wa, elle n'est pas abrogée. Contrairement à ce que disent certains, particulièrement parmi les murji'a et les savants du sultan. Elle n'est pas abrogée. La da'wa en secret n'est pas abrogée. Si les conditions qui étaient présentes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, proche de Sanda, sont présentes, la da'wa en secret est établie. Ça arrive que dans certains pays, le fait d'appeler à des questions de tawhid, ça amène des persécutions graves. Il peut aller jusqu'à la prison et la mort. Donc, dans ce cas-là, les conditions sont remplies pour que la da'wa soit en secret. Allah Azza wa Jalla a dit à propos de la da'wa dans Surat Yusuf, le verset 108, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي » dit « Cela est mon sentier, ma voie. » Ad'u ila Allah ala basira. J'appelle à Allah avec basira, avec clairvoyance. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Et qu'Allah soit glorifié ou purifié de ce que lui ont attribué les mécréants, et je ne suis pas parmi les mushrikin. On voit la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la da'wa du prophète. C'est le sentier du prophète d'appeler à Allah. Avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, avec preuve, en se basant sur les preuves du Coran, la Sunna, moi et ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont suivi le prophète, appellent à Allah, avec clairvoyance, en se basant sur les preuves du Coran, la Sunna, et en finissant, il a dit, subhanallah, wa ma ana min al-mushrikin. Et il a nié à lui-même le fait d'être parmi les mushrikin. Pour que ça soit bien clair que sa da'wa soit au tawhid et au fait de renier le shirk, sous toutes ses formes. Ce verset est clair sur cette question-là. قال أبو جعفر بن جرير الطبري الإمام ابن جرير الطبري dans son tafsir il a dit يقول تعالى ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم en expliquant ce verset Allah le très haut dit à son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم قل dit au Mohammed هذه cela cette دعوة التي يدعو إليها هذه الدعوة التي يدعو إليها cet appel auquel j'appelle والطريقة التي أنا عليها et cette voie sur laquelle je suis du fait d'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah, et le fait de l'adorer exclusivement, de lui l'attribuer l'adoration exclusive, en dehors des fausses divinités et des idoles, et le fait de s'arrêter, ou le fait de lui obéir, de délaisser sa désobéissance, Sabili, c'est mon sentier, tariqati, ma voix, wa da'wati, et mon appel. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ta'ala wahdahu la sharika la, seul, sans associé, ala basiratin, avec clairvoyance, بذلك en cela ويقين et certitude وعلم مني به et avec science انا ويدعو اليه على بصيره ايضا من اتبعني وصدقني وامن بي il dit moi et ceux qui m'ont suivi c'est-à-dire ceux qui m'ont suivi qui ont cru en moi et qui ont cru que je suis venu avec la vérité صدقوني et en finissant il a dit وما انا من المشركين ابن جرير الطبري a dit يقول وانا بريء من اهل الشرك et je me désavoue des gens du shirk لست منهم ولا هم مني ils ne sont pas de moi et je ne suis pas d'eux donc clairement là ce verset là il a de nombreuses on peut en tirer de nombreuses leçons que la da'wa tawhid c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix de ceux qui l'ont suivi ils appellent au tawhid d'Allah sallallahu qui ne font pas partie des mushrikin, qui les désavouent, qui se désavouent d'eux, qui les désavouent de lui. Qu'ils appellent avec science, en se basant sur la preuve du Coran, de la Sunna. Ce verset-là, il répond à la plupart des sectes ou des groupes égarés qui sont égarés dans la da'wah d'Allah Azzawajal. Ceux qui n'appellent pas au tawhid, ceux qui appellent sans aucune science, ceux qui sont prétendent appeler au tawhid et qui rejoignent les mushrikin sous toutes ses formes, etc., etc. Celui qui médite ce verset, il va voir à quel point. Le fait que la da'wa doit être en premier à l'unicité d'Allah Azzawajal, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Al-Bukhari l'a rapporté dans Kitab al-Tawhid, le livre du tawhid dans son Sahih. C'est le dernier livre de Sahih Bukhari. Selon Ibn Abbas, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh. Il l'a envoyé au Yémen. Et il lui a dit « Innaka ta'ti qawman ahl al-kitab » Certes, tu vas vers un peuple qui sont des gens du livre. « Faliakun awwal ma tad'uuhum ilayh » Que la première chose à laquelle tu les appelles « An yuwahhidu Allah » Qu'ils unifient Allah. Dans ce hadith, on voit deux choses. La première, il lui a informé que c'était un peuple des gens du livre. Il faut que la personne, avant qu'elle appelle quelqu'un à Allah, elle connaisse sa situation. Elle sache c'est quoi sa croyance, c'est quoi son égarement, c'est quoi son truc, pour qu'il puisse l'appeler à Allah de manière satisfaisante, qu'il puisse soigner la maladie dont souffre cette personne-là, dans son égarement, dans ce fait de s'écarter de la vérité. La deuxième, que la première chose à laquelle tu les appelles, un yuwahid Allah, qu'ils unifient Allah. Donc la première chose à laquelle doit appeler le musulman, c'est le tawhid. S'il a compris que tawhid, comme il le dit Shir par la suite, c'est le plus grand des biens, et que shirk, c'est le plus grand des mal, il aura compris que quand Allah Azzawajal parle d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans le Coran, il parle d'abord d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Le deuxième niveau du mal, Allah, il appelle à obéir au messager de manière générale, c'est-à-dire à suivre par exemple la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de s'écarter de sa désobéissance, c'est-à-dire de la bid'a, de l'innovation et des grands péchés. Et il faut qu'il connaisse maratib al-a'mal, il faut qu'il sache le niveau des choses. Par exemple, il ne va pas venir à une personne qui fait du shirk et qui boit de l'alcool, il ne va pas s'asseoir avec lui pour lui parler du fait de boire de l'alcool, comme quoi c'est grave, comme quoi c'est haram, comme quoi Allah il a interdit dans son livre. Une personne qui fait ça, il n'a pas compris la da'wah des prophètes. Il faut qu'il appelle d'abord à unifier Allah seul. Et ainsi de suite. Pareil pour appeler à des choses, des interdictions. On voit par exemple, c'est une erreur qui s'est développée, dans laquelle beaucoup de gens sont tombés à l'époque, entre autres nous, dans une certaine époque, quoi que ce soit, le fait qu'on considérait que la religion, c'était certaines choses particulières. Par exemple, qu'il fallait prier comme ça. Donc dès qu'on appelait quelqu'un à l'islam, on lui disait « Oh là, quand tu pries, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. » Alors que devant nous, on avait des gens qui avaient du shirk. Nous-mêmes, peut-être à une époque, on avait du shirk. On était tombés dans des formes de shirk. Peut-être on n'unifiait pas là dans le jugement, on n'unifiait pas là dans l'obéissance, où on ne savait pas que celui qui est associé avec Allah dans son jugement, dans l'association, dans l'obéissance, il était kafir, qu'il fallait se désavouer de lui, etc. etc. C'est une mauvaise compréhension de la da'wah des prophètes. Une mauvaise compréhension du Coran, de la Sunna et de l'unicité d'Allah. Et en cela, on comprend les versets où Allah a dit par exemple « وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ » Et qu'il soit de vous une communauté qui appelle au bien. Le premier bien, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. « La ilaha illallah » Le fait d'adorer seul. « وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » Et qui ordonne le bien et qui interdisent le mal. « وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Et ceux-là seront les bienheureux. C'est un verset dans Surat Al-Imran, verset 104. On voit que les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du fait d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, quand il dit dans Sahih al-Bukhari, ou Sahih Muslim, Man ra'a minkum munkara, celui qui parmi vous voit un mal, falyughayyirhu biyadih, qui le change par sa main, wa illam yastati', s'il ne peut pas, fabilisani, par son cœur, par sa langue, wa illam yastati', fabiqalbi, s'il ne peut pas, par son cœur, wa dhalika ad'aful iman, et cela est le plus bas niveau de la foi. Quel est ce mal dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est dans un premier temps, je ne sais pas moi, l'alcool, même la zina, ou je ne sais pas, pire encore, le fait de laisser pousser la barbe par exemple? Ce n'est pas ça le premier mal. Ou des bid'a, ou je ne sais pas, une subha dans la mosquée ou un truc comme ça. Les gens, ils ont compris ça. Le shaitan, il les a égarés. Non, le premier mal qu'il faut... Les gens, ils adorent d'autres qu'Allah, azza wa jalla. Et ils se soumettent à d'autres qu'Allah. Comme on se soumet à Allah normalement. Et ils prennent d'autres législateurs qu'Allah. Et ils obéissent à des gens comme on obéit à Allah. Jalla fi'ala. C'est ça le premier mal qu'il faut changer. Le premier mal qu'il faut changer par la main, si le musulman a la capacité, c'est briser les idoles des mécréants. C'est ça qu'a fait Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., dès qu'il a eu la possibilité, il a brisé les idoles des mécréants. De même aujourd'hui, il y a des gens qui devront, s'ils ont la possibilité, briser les idoles des mécréants. Que ce soit des idoles, comme ça a été fait, ou des idoles qui soient des tombes, ou des idoles qui soient des législations, ou des idoles qui soient des modes de pensée et des philosophies. Ces idoles-là devront être brisées par les gens du Tawhid, etc. C'est ça le mal. Le premier mal, c'est ça. Le premier bien auquel il faut appeler les gens, c'est ça. Celui qui a compris ça, il a compris la da'wa du prophète. Rabi'atu, le quatrième point, que le cheikh a cité, as-sabru ala al-adhafi, le fait de patienter dans la persécution, en cas de persécution due à cet appel. Une personne qui n'aura pas bien compris la religion des prophètes, ou qui n'aura pas bien lu le Coran, il va dire pourquoi le cheikh il place ça à ce moment-là. En quoi le fait de connaître Allah, le fait de connaître son messager, le fait de connaître le din, le fait d'agir selon le din, le fait d'appeler même, de faire da'wah, en quoi ça va amener des persécutions, et en quoi il va falloir patienter. Subhanallah, on a entendu des groupes islamiques, entre guillemets, qui disent, nous on va faire da'wah jusqu'en Israël, entre guillemets. Vous avez entendu ça? On va faire da'wah jusqu'en Israël, qu'Allah nous en préserve, jusqu'en Palestine occupée, jusqu'à l'état des sionistes, des singes et des porcs. Nous, on rentre partout. À Washington, on avait un turban sur la tête et on faisait da'wah devant la Maison Blanche, etc. En Libye, en Tunisie, je sais pas quoi. Subhanallah. Alors ça veut dire que tu es bien guidé, là. Ça veut dire que tu es bien guidé. Et là, tu n'as rien compris à la da'wah des prophètes, ça. Si vraiment tu avais fait da'wah comme le prophète Mohammed, tu avais appelé à ce à quoi appelé le prophète Mohammed, ou avait appelé le prophète Ibrahim, ou avait appelé Moussa, Ibrahim, son peuple, il a pris, il l'a jeté dans le feu. Tu aurais jeté dans le feu. Les gens de Taïf, ils ont jeté des pierres à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui mettaient des panses de chameau sur la tête, etc. Ils l'ont persécuté, ils ont mis des pierres brûlantes sur le torse de Bilal. C'est ça la da'wah des prophètes. Si tu avais appelé à ce à quoi ont appelé ces gens, il te serait arrivé à ce à quoi il est arrivé ces gens. Il y a des gens, alhamdoulilah, pour le tawhid, ils ont été pendus. En 1966, il y a une personne qui a été pendue pour son tawhid. Il y a des gens qui sont assassinés, qui sont en prison. Eux, on peut dire, on a des qara'in, des signes qui nous montrent qu'ils sont sur la da'wah des prophètes. Quant à celui qui se vante que son groupe fait da'wah à Tel Aviv, celui-là, on a une preuve aussi qu'il est dans un égarement complet. Lorsqu'un shir soufi est mort, c'est un shir qui raconte ça dans une cassette, lorsqu'un shir soufi est mort dans le Daffa, en Cisjordanie, je crois, ou je ne sais plus quand, ou peut-être carrément en Palestine occupée, dans la Palestine 1948. Lorsque son shir est mort, leur shir soufi est mort, le gouvernement sioniste a ouvert les checkpoints pour laisser passer les adeptes de Jordanie, de Gaza, de machin, pour qu'ils aillent à l'enterrement du Cheikh. Et il y a un qui dit sur le site internet, même Itzhak Rabin, il était là. Ou Shimon Peres. Non, Shimon Peres. Même Shimon Peres, il est venu pour montrer la baraka du Cheikh. Subhanallah, la bénédiction du Cheikh. Quelle baraka du shaitan de ta route que tu as sale juif à ton enterrement, subhanallah. Comment tu peux arriver à une fausse compréhension de l'islam à tel niveau-là? À part par l'amour du dunya, le ghafla, le fait de jamais lire le Coran, je ne sais pas comment tu peux arriver à un tel égarement. C'est hallucinant. Donc, une petite parenthèse. Donc, on va citer une parole comme... ce qui est intéressant dans l'explication des livres, lorsqu'on explique par exemple le Sulu Thalatha, on essaie d'expliquer le Sulu Thalatha par d'autres paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pour qu'on arrive à montrer ce qu'il a voulu dire réellement, quoi, en cherchant dans d'autres livres. Donc on va citer ce que dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son épître Kashf al-Shubuhat. Il nous donne une règle aussi, une règle très importante de la religion d'Allah. Il dit, قال الشيخ وعلم et sache أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. Et sache qu'Allah subhanahu par sa sagesse n'a pas envoyé un prophète avec ce tawhid qu'il ait envoyé en face de lui des ennemis. À chaque prophète auquel il a envoyé, Allah il lui a envoyé des ennemis, des gens qui s'opposent à lui. Les caractéristiques de ces ennemis sont explicitées dans le Coran. Celui qui veut savoir les caractéristiques des ennemis de tawhid à notre époque, à l'époque du prophète, à l'époque de Moussa, à l'époque d'Ibrahim, à l'époque de Saleh, à l'époque de Shu'aib, etc., etc., il lit le Coran, il trouvera. C'est les mêmes qu'à notre époque. Tashabahat qulubuhum. Il dit, et il se base sur la parole d'Allah, comme quoi Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-An'am, le verset 112, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Et ainsi, nous avons envoyé à chaque prophète un ennemi parmi les démons humains et des djinns qui se révèlent entre eux des paroles enjolivées. À chaque prophète, Allah a envoyé des ennemis parmi les démons humains et les démons des djinns. C'est une règle générale une sunna d'Allah Azza wa Jalla. Et il dit, وَقَدْ يَكُونُ لِعْدَاءِ التَّوْحِيدُ عُلُمٌ كَثِيرًا وَكُتُبٌ وَحُجَّجٍ. Et il se peut que les ennemis du tawhid aient avec eux de nombreuses sciences, et des livres, et des preuves. كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَارِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Parce qu'Allah a dit dans Surat Ghafir, le verset 83, il dit Azza wa Jal, lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. On voit que c'est le cas de beaucoup de gens à notre époque. Lorsque leur vient la vérité d'Allah, leur vient le tawhid clair, le fait de renier au tawari, de se désavouer des formes de shirk, de prendre le Coran et la Sunna seul comme juge, de délaisser le suivi aveugle les innovations, ils exultent des connaissances qu'ils ont. Ils sortent des fausses preuves, qui tirent certains des livres de savants reconnus de la communauté, en falsifiant parfois le sens, c'est-à-dire en falsifiant, en enlevant des mots, c'est arrivé dans certains livres actuellement, particulièrement les Murji'a qui font ça, particulièrement des gens comme Ali Hassan Halabi, qui enlève des mots, par exemple, des livres d'Ibn Taymiyyah, ou des phrases entières, falsifie carrément le sens, ou de certaines paroles d'Ibn Kathir, pour défendre son irja, c'est arrivé. Donc, ils exultent de leur science, falsifient, exactement comme les savants, comme les gens de l'Jahiliya, c'est une des caractéristiques des gens de l'Jahiliya, comme les savants des Juifs. Ensuite, il dit, Cheikh, إذا عرفت ذلك, si tu sais cela, وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء. Et tu sais que la voie vers Allah, il faut forcément des ennemis. Que si tu prends la voie d'Allah Azza wa Jalla, il faudra forcément que tu aies des ennemis. قاعدين عليه, qui sont assis sur la voie d'Allah pour t'empêcher de l'apprendre. أهل فصاحة وعلم وحجج, des gens éloquents de science et de preuve. فالواجب عليك, ce qui est obligatoire pour toi. Toi, muahid, toi qui unifie Allah Azza wa Jal, toi monothéiste pur, anta ta'allam min dinillah, que tu saches de la religion d'Allah, ma yasiru laka silahan, ce qui deviendra une arme, tuqatil bihi ha'ula ash-shayatin, par lequel tu combattras ces démons. Tu dois avoir des preuves, les preuves c'est le Coran, alhamdulillah, il suffit pour la plupart des questions basées sur la base de la religion dans laquelle ils sont égarés, pour combattre ces gens-là, pour combattre par la preuve les gens du faux et de l'égarement. Ça c'est dans Kashf al-Shubuhat. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala, et comme toujours le cheikh il a ramené la preuve de cela parce qu'il a dit wa ad-dalil qawluhu ta'ala, et la preuve est la parole d'Allah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, par le temps, Inna l'insana la fi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui croient, ceux qui ont l'iman, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent l'endurance. As-sabr. Allah Azza wa Jalla l'a juré par le temps. Et Allah jure par ce qu'il veut. L'homme est certes en perdition, c'est général. La généralité de l'homme, l'espèce humaine est en perdition. Toute l'espèce humaine. Sauf une petite minorité de gens qui ont l'iman, c'est-à-dire qui ont la science d'Allah Azza wa Jalla, qui croient en lui, qui l'unifient, qui l'adore et qui se soumettent à lui. Wa amilu salihat, qui se soumettent à lui par les bonnes œuvres, c'est-à-dire par les actes des membres. Ce n'est pas qui croient et qui font des bonnes œuvres. C'est qui croient et qui font des bonnes œuvres. C'est ensemble, comme il dit les ulama. Se recommande la vérité, c'est-à-dire s'appelle à Allah Azza wa Jal, s'ordonne le bien, s'interdisent le mal, et se recommande l'endurance, qui se recommande le sabr. Le sabr, les ulama, ils définissent, ils disent sabr est de plusieurs niveaux. Le sabr ala ta'atillah, le fait de patienter dans l'obéissance d'Allah, le fait de patienter et d'endurer dans le fait d'obéir à Allah. As-sabr al-ma'asillah, le fait d'endurer et de s'abstenir et de patienter de commettre les interdits d'Allah. Was-sabr al-aqdarillah, le fait de patienter et d'endurer dans la prédestination d'Allah, c'est-à-dire dans les calamités qui peuvent nous arriver en général. C'est les trois niveaux de sabr qu'ont cité les ulama dans leur livre. Qala al-Shafi'i wa rahimahullahu ta'ala, l'imam al-Shafi'i, c'est Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Qurashi. Le grand imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, qui était membre de la tribu de Quraysh, qui est né à Gaza, et dont la mère l'a amené dans le désert d'Arabie pour qu'il ait une langue arabe éloquente, qui est devenu un des plus grands imams de notre communauté, qu'on appelle le troisième imam, c'est-à-dire si on se base sur les quatre écoles de jurisprudence, qui est un énorme imam, qui est un élève de Malik ibn Anas, et d'autres parmi les grands savants. Il a dit لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Imam Shafi'i a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. La bonne compréhension de cette parole, c'est quoi? Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures dans l'obligation d'avoir la science, l'acte, la prêche et l'endurance, ça aurait suffi. Pas que cette sourate suffit à toute la religion. Alhamdoulilah, Shafi'i, il n'a pas dit ça. Ça, c'est une mauvaise compréhension de sa parole. Quoi. Et exactement, je crois que le shir, il a cité la parole dans son sens. Ce n'est pas exactement la parole qu'a dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Même l'imam al-Shafi'i, si on regarde l'imam al-Shafi'i, qui a établi la science de l'usul fiqh, qui est un des plus grands imams du fiqh, et qui est un génie. Quand on lit les livres de telles personnes, on se dit que c'est des génies, des gens qui ont un intellect hors du commun. Vraiment hors du commun. Al-Bukhari a dit, وقال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري a dit dans son Sahih, chapitre, la science avant la parole et l'acte. والدليل قوله تعالى الى preuve de cela est le verset de sourate Muhammad فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. Et sache que لا اله الا الله, que nul n'est digne d'être adoré sauf Allah, واستغفر لذنبك, et demande le pardon pour ton péché. فبدا بالعلم قبل القول والعمل. Alors Allah a commencé par l'ilm avant la parole et l'acte. C'est basé sur ces deux paroles de savants parmi les salafs pour appuyer son propos en cela. Le verset fa'lam annahu la ilaha illallah, et sache que la ilaha illallah, qu'il n'y a nul des dignes d'être adoré sauf Allah, est une preuve que la science du tawhid est l'une des premières sciences qu'il faut acquérir, du sens de la ilaha illallah, de ses conditions, de ses piliers, de ses annulations. C'est la première science qui doit être enseignée et apprise. Et les savants se sont basés sur dire pour dire que justement la connaissance du sens de la ilaha illallah est une des conditions de la ilaha illallah. C'est-à-dire une personne qui dirait la ilaha illallah sans en connaître le sens, sans savoir ce qu'elle signifie, sans savoir que ça signifie le fait d'unifier Allah dans ses caractéristiques propres et d'adorer Allah seul et de renier l'adoration d'un autre qu'Allah, cette personne-là n'est pas musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rawahu al-Bukhari, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah, celui qui meurt et qui sait que la ilaha illallah, il rentre au paradis. Inversement, celui qui meurt sans savoir la ilaha illallah, celui-là ne rentrera pas au paradis, mais rentrera en enfer. Khalidan fiha. Donc le shir dit, par la suite, il continue en disant, a'lam rahimak Allah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir, qu'il est une obligation, on a défini l'obligation précédemment, qu'il est une obligation pour tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Il a cité trois choses, trois bases, trois usul de notre religion extrêmement importantes que tout musulman doit connaître et doit appliquer pour être considéré comme musulman. Al-oula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar wa ad-dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan 'alaykum كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé subsistance, risq, et qu'il ne nous a pas laissé sans but, hamal. En effet, il nous a envoyé un prophète. Quiconque lui obéit entrera au paradis, et quiconque lui désobéit entrera en enfer. La preuve de cela et la parole d'Allah, ce qui signifie nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Alhamdulillah, les preuves que Allah Azza wa Jalla nous a créés et pourvoit à nos besoins sont extrêmement importante dans le Coran. On peut citer par exemple le premier verset de Sourate Al-An'am lorsqu'Allah dit Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière. Et de nombreux versets qui seront cités par la suite et ensuite. Donc Allah Azza wa Jalla nous a créés. C'est-à-dire, comme ils ont dit les ulama, Aujadana min al-Adam, nous a fait sortir du néant. Nous n'existions pas et Allah Azza wa Jalla nous a créés. Rien que cette ni'ma, ce bienfait d'Allah qu'Allah nous a donné, suffit comme preuve à l'obligation de l'adorer seul. C'est en cela que les ulama ont dit Tawhid al-Rubiya, le fait d'unifier Allah, par exemple par la création, de reconnaître qu'Allah est le Seigneur créateur, est une preuve de Tawhid al-Uluhiya. Qu'Allah doit être adoré seul. Ainsi, ceux qui témoignent parmi même les mushrikins de Quraysh, par exemple, qui disaient lorsqu'on leur demandait wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard yaquluna Allah, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils croient Allah. Allah se sert de leur affirmation, iqrar, de l'unicité d'Allah dans la seigneurie de Tawhid al-Rubiya, pour les amener à dire, alors témoigner de l'unicité d'Allah dans l'uluhiyya, dans l'adoration, adorer Allah seul. Il dit, Allah nous a envoyé un prophète. On ne va pas s'attarder parce qu'on va citer plus tard la définition de prophète, la définition de messager, selon les commentaires de certains contemporains. Allah nous a envoyé un prophète. Quelqu'un, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith connu, il lui a demandé qui es-tu, le prophète a dit, un nabi, je suis prophète. L'Arabi, le bédouin, lui a demandé, wa man nabi, c'est quoi un prophète? قال أرسلنا الله. Allah m'a envoyé. قال وبما أرسلك. Et avec quoi il t'a envoyé? Là, c'est dans le hadith rapporté par Muslim selon Amr ibn Abbas. Il lui a dit أرسلني بكسر الأوثان وصلة الأرحام ولا يعبد الله وحده ولا وأن يعبد الله وحده ولا شريك له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Avec quoi il t'a envoyé? Il lui dit, il m'a envoyé بكسر الأوثان, avec le fait de briser les idoles, alors qu'il a dit ça à Mecca, qui faisait la da'wa en secret, que cet arabe il a été conduit, c'était au début de la révélation, mais déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec quoi? Avec le fait de briser les idoles. Il y a une leçon qu'on va citer par rapport à ça. وصلة الأرحام maintenir les liens de parenté. وَيُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Et qu'Allah soit adoré seul sans associé. C'est ça un prophète. Un prophète, quand il a envoyé à son peuple, comme ils nous ont dit dans le Coran, comme ils ont été décrits, il les appelle à adorer Allah seul et à délaisser le shirk. وَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui obéit au prophète, il rentre au paradis. Qui lui obéit de manière générale. Il lui obéit dans l'adoration d'Allah seul et il lui obéit dans les législations avec lesquelles il est venu. Avec l'interdiction de telle chose ou l'obligation de telle chose. Alhamdulillah, la base de la da'wa de tous les prophètes est la même. L'adoration d'Allah seul et l'interdiction d'adorer un autre que lui. Et leur législation diffère. Mais il y a un tronc commun par rapport à la législation. Il n'y a aucun prophète qui a autorisé la sorcellerie. C'est une forme de shirk. Il n'y a aucun prophète qui a autorisé, qu'Allah nous en préserve, l'homosexualité par exemple. C'est quelque chose qui est mal par la fitra. De même, le fawahish, même la fornication de manière truc, elle n'a été autorisée par aucun prophète. L'alcool, ça diverge. Certaines formes, par exemple, le fait de s'incliner devant une personne sans avoir l'adoration, quoi que ce soit, comme c'est dans la sourate de Youssouf, quand ses parents se prosternent, entre guillemets, devant lui, le mot un peu est souyoud, mais c'est en fait l'inclinaison dans la salutation, c'était permis dans certaines législations, et ça a été abrogé dans la législation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Des choses qui ont été permises qui étaient interdites. Le tayammum n'existait pas dans les législations précédentes. El ranima, le butin de guerre, n'existait pas dans la législation des prophètes. Mais il existe dans la législation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Etc. Celui qui obéit au prophète, donc, rentre au paradis. Celui qui le désobéit, entre en enfer. Alhamdoulilah, rien que ça, ça suffit pour... comment ça s'appelle ? Détruire les deux maladies majeures qui sont répandues chez les uns qui se prétendent musulmans et qui sont liées, les deux maladies. Al-ilmaniya, la laïcité, et al-irja, la croyance des murjiens. Pourquoi ? Parce que l'acte, là, il nous dit que ce qui est fait rentrer au paradis, c'est l'obéissance. Pas le tasdiq, pas le fait de reconnaître dans son cœur que la vérité est vérité, non. Le fait de reconnaître et que ce tasdiq implique une adoration qui est l'obéissance, le fait de la soumission. Al-muafaqat wa tanfidh al-amr ala wajh al-ikhtiyar. Al-ta'a, ils ont dit, le ulama, c'est quoi? C'est le fait d'être en accord avec quelque chose en étant volontairement, c'est-à-dire en se soumettre volontairement, être en accord volontairement avec une règle précise. Ça, ta'a. Lorsque tu obéis au prophète, c'est parce que, en toute connaissance de cause, tu as vu l'ordre prophétique ou l'ordre divin, et tu te soumets à lui, et tu lui obéis, c'est ça l'obéissance. De même à celui qui obéit à un autre qu'Allah, qui se soumet à une loi d'autre qu'Allah, qui obéit à quelqu'un d'autre comme on obéit à Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat An-Nisa, le verset 65, « Fala wa rabbika la yu'minun » Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas, ils n'auront pas l'iman. Ils n'ont pas l'iman. Allah, il a juré par lui-même qu'ils n'ont pas l'iman. حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans ce en quoi ils ont divergé. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ et qu'ils ne trouvent pas de gêne en eux-mêmes de ce que tu as jugé, décidé. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا et qu'ils se soumettent en toute soumission. Celui qui ne remplit pas ces conditions n'est pas un mu'min. Celui qui n'obéit pas au messager n'est pas un mu'min. Allah a dit Azza wa Jalla dans Surat Al-Imran, le verset 132, « Ati'u Allah wa Rasoula la'allakum turhamun » et obéissez à Allah et à son messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Celui qui n'obéit pas à Allah et qui n'obéit pas au messager, il ne lui sera pas fait miséricorde. Et Allah a dit dans Surat Nour, verset 63, « Falihdhar alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim » et que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qui ne les touche une fitna, une tentation, ou qui ne les touche un châtiment douloureux. قال l'imam Ahmed, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, al-Shaybani, a dit, « Atadrim al-fitna » en expliquant ce verset, il a dit, « Est-ce que tu sais ce que c'est la fitna ?» dans ce verset, qu'on ne les touche une fitna. « Al-fitna tu shirk » La fitna, c'est le shirk. « La'allahu iza radda ba'da qawlihi » Si jamais il rejette une partie de sa parole, une partie de la parole du prophète, un yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayr fayuhlik, qu'il y ait dans son cœur une partie de l'égarement et qu'ils soient perdus par cela. Le fait de renier la parole prophétique, le fait de renier l'ordre prophétique, sans aucune fausse interprétation et sans aucun empêchement, est une mécréance claire. C'est du shirk clair. Quel qu'il soit. Et on met l'interprétation dans les choses qui peuvent être équivoques ou qui ne sont pas explicites dans les ordres prophétiques. On détaillera ces questions par la suite, Inch'Allah, l'obligation de l'obéissance et le jugement de celui qui laisse l'amel, l'acte, et qui refuse d'obéir à Allah ou son messager, clairement, par les membres ou par quoi que ce soit, ou qui obéit à un autre qu'Allah et son messager, ce qu'on appelle shirk ta'a, le shirk dans l'obéissance. La deuxième question, la deuxième, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Allah n'agrée pas le shirk. Il ne l'aime pas et il a promis le châtiment à ceux qui le commettent. Donc nous, par adoration pour Allah, nous n'aimons pas le shirk et nous nous désavouons de ces gens. « La malakun muqarrab wa la nabiyun mursal » Il n'agrée pas qu'on adore un autre que lui, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. « Fadlan an ghayrihima » Et pas même, et encore moins un autre que dans le sens de sa parole, c'est-à-dire il y a ceux qui adorent des prophètes et des anges, comme c'est le cas des juifs, des chrétiens, et c'est, il y a ceux qui adorent pire que ça. Il y a ceux qui adorent des pierres et des arbres, et puis il y a ceux qui adorent des tawarites, les gens qui sont les pires de la création. On sait par exemple que parmi les soi-disant saints aoulia soufis qui sont adorés, il y a des gens qui surinaient dessus. Des gens qui étaient connus pour pratiquer les abominations avec des enfants. Des gens qui ne faisaient pas la salat, pas la zakat, pas le siyam, qui ne se purifiaient pas, etc., etc. Et qui sont aujourd'hui, leurs tombes sont adorées. En Égypte, par exemple. Le Badawi. Ibn Arabi. À Damas, son tombeau. C'est quelqu'un qui réellement est l'un des plus mécréants de la terre. Même les juifs et les chrétiens, ils ne peuvent pas accepter sa parole. Allah est dans toute chose. Celui qui adore la pierre, il a adoré Allah parce qu'Allah est dans la pierre. Et ses poèmes sont connus. Mon Seigneur, c'est un moine dans un monastère, etc. etc. Son tombeau est adoré en dehors d'Allah. Donc ces gens-là, comme ils ont dit les savants, ils sont pires encore que les juifs et les chrétiens. Les chrétiens, ils adorent Isa ibn Maryam, qui est un des serviteurs les plus rapprochés d'Allah. Ils adorent Maryam, sa mère, qui est une des femmes les plus honorées par Allah. Certains parmi les prétendants de cette communauté, ils adorent Ibn Arabi. Ils adorent ce qu'ils appellent Majadib, les fous, les gens qui ont perdu complètement la raison, qui soi-disant étaient... c'est l'amour d'Allah qui leur a fait perdre la raison, comme dans le livre des soufis, là. Comme quoi il a perdu la raison, il s'est mis tout nu sur le mimbar, après les gens ils ont dit « Ah, c'est un allié d'Allah, etc. etc. » Ça existe. Tabaqat al-Awliya, le livre de Sha'rani, il est rempli d'histoires comme ça. La preuve de ce sujet dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa anna al-masajid lillah, les mosquées sont consacrées à Allah, fala tad'u ma Allahi ahada, et n'invoquez donc personne avec Allah Azza wa Jal. Le shirk est la plus grande des injustices. Le shirk, c'est le péché par lequel Allah Azza wa Jal nous a dit, à lequel Allah Azza wa Jal a dit qu'il ne le pardonnait pas. On va citer les versets. D'abord, on donne la définition du shirk. Que signifie shirk ? Évidemment, on dit le shirk, ça signifie taswiyatu ghayrillahi billah mimma huwa min khasa'isillah. C'est le fait de mettre à égal avec Allah un autre qu'Allah dans ce qui est une des caractéristiques d'Allah. C'est général et ça englobe toutes les formes de shirk. On doit aimer Allah Azza wa Jal et il nous a ordonné de l'aimer. Celui qui aime Allah comme il aime, qui aime un autre qu'Allah comme il aime Allah, a associé Allah, il a commis le shirk. Allah nous a ordonné de l'invoquer. Celui qui invoque un autre qu'Allah comme on invoque Allah, il a commis le shirk. Etc. etc. C'est aslun jami', c'est une base, c'est une règle générale qu'il faut comprendre pour comprendre cette religion. La preuve de cela, c'est le verset de Surat al-Shu'ara, les poètes, 97-98, lorsqu'Allah a cité la parole des mécréants le jour de la résurrection, lorsqu'il dit « Tallahi in kunna la fi dalalim mubin » Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Lorsque nous vous égalions au Seigneur des univers. C'est-à-dire, les mécréants, ils s'adressent à leurs idoles, à ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. J'avais dit, nous étions vraiment dans un égarement évident lorsque nous vous mettions à l'égal du Seigneur des univers. Celui qui donne un égal à Allah Azzawajal dans l'invocation, dans le sacrifice, dans la législation, dans la demande de jugement, il a associé à Allah Azzawajal. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سوره القواعد الاربع دي فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادتي فاعلم et si tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration alors sache ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد que l'adoration n'est pas appelée adoration que par le tawhid كما ان الصلاه لا تسمى الصلاه الا مع الطهاره comme la prière n'est appelée une prière que avec at-tahara, la purification. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَ Lorsque le shirk rentre dans l'adoration, il l'annule, il la corrompt. Comme lorsque l'impureté, le fait de l'annulation de l'ablution, rentre dans la purification. Il a comparé les deux. C'est à une personne, par exemple, qui fait la salat sans wudu, cette personne-là, sa salat, elle a beau faire la salat n'est pas acceptée. Celui qui adore Allah Azzawajal et qui a du shirk, il a beau faire ce qu'il veut, son adoration, elle est corrompue, elle ne sera pas acceptée. C'est une comparaison simple, mais qui cherche. Parce qu'on voit des gens qui ont des bonnes actions auprès d'Allah Azzawajal. Les gens, ils te disent, mais un tel, il imprime le Coran. Il imprime le Coran des millions d'exemplaires. Et il met son nom, bon, ça, hein, il met son nom à la fin du Coran. Le roi Fahd ibn Abdelaziz, le complexe du roi Fahd ibn Abdelaziz, pour l'impression du noble Coran à Médine. Nous, on est d'accord. Franchement, c'est un acte de bien. Le fait d'imprimer le livre d'Allah, c'est un acte de bien. Mais le fait de s'associer à Allah dans la législation, de combattre la religion d'Allah, de permettre que Allah interdit le riba, khamr, d'aider les ennemis d'Allah contre les mouahidines, de combattre les mouahidines pour leur religion, c'est des actes qui l'ont fait sortir de l'islam. Ces actes de bien ne lui profiteront en rien. Les mouchriquins de Quraysh, ils avaient aussi des actes de bien. Ils faisaient le sadaqa, ils faisaient le hajj. Il y en avait qui nourrissaient les pèlerins, etc., etc. Ces actes de bien ne leur vaudront en rien. Exactement comme les juifs ou les chrétiens, ou ce que tu veux, ou Mère Teresa, ou ce que tu veux. Il dit, « فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكِ إِذَا خَلَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ Ainsi, tu sais que le shirk, s'il rentre dans l'adoration, s'il se mélange à l'adoration, il le corrompt et il annule l'acte et son auteur devient parmi les éternellement en enfer. C'est une règle générale qui permet de comprendre ce que c'est le shirk. Allah a dit dans Surat An-Nisa, le verset 48, « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe autre que lui, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Dans surat Nisa, le verset 116, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Et celui qui associe à Allah, il s'est certes égaré d'un égarement lointain. Et Allah a dit dans surat Al-Ma'idah, le verset 72, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Certes, celui qui est associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis et son refuge est l'enfer. Et Allah a dit Azza wa Jal, ça c'est pour nous montrer le jugement du shirk, la gravité du shirk. Allah il nous met en garde contre le shirk et on voit ce qui implique le fait de commettre le shirk, d'adorer un autre qu'Allah, de mettre à l'égal d'Allah un autre qu'Allah. Allah ne pardonne pas. Celui qui fait ça, il a forgé un grand mensonge, il s'est égaré d'un égarement lointain, et il sera éternellement à l'enfer, et Allah lui a interdit le paradis. Ensuite, Allah, dans son livre, il nous décrit les sortes de shirk. Les versets sont nombreux, on va en citer certains pour montrer, pour cerner. Et ça va être détaillé aussi par la suite. Allah, il a dit dans Surat al-Mu'minun, verset 107, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ Et celui qui invoque avec Allah, un autre adoré, ilah, il est un autre adoré, pas une autre divinité ou une autre adoré. la burhana lahu bih, dont il n'a aucune preuve. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi, son compte est auprès de son Seigneur. Innahu la yuflihu al-kafirun, et les kafirun, les mécréants, ne réussiront jamais. Allah, il nous a montré dans ce verset que celui qui invoque avec Allah un autre qu'Allah, il fait partie de quoi? Del kafirun, del mushriki. Il a annulé son islam. Donc c'est l'une des preuves contre ceux qui disent il est permis d'invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui demande l'aide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en cas de calamité, il sera exaucé. Cette personne-là, c'est un mushrik et un kafir. S'il le dit, il dit, c'est un mushrik et un kafir. S'il le fait, c'est un mushrik et un kafir. Ou s'il dit que tel acte, c'est même pas du shirk et que c'est interdit, mais bon ça, allez, c'est makruh ou quoi que ce soit d'invoquer un autre Allah, c'est aussi un mushrik et un kafir. Il n'a pas compris la da'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation, on va le voir par la suite, on va le détailler. Allah Azza wa Jalla a dit, dans le même sens, Allah Azza wa Jalla a dit, pour nous montrer le shirk aussi, dans surat al-An'am, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, et si vous leur obéissez, vous serez certes des mushrikounes. Là, il nous a décrit une autre sorte de shirk, c'était le shirk dans l'invocation précédemment. Là, il nous a décrit le shirk dans l'obéissance. Là, il a dit, si vous obéissez aux mécréants dans leur législation, vous serez certes des mushrikounes. قال ابن كثير رحمه الله dans son tafsir, dans l'explication de ce verset-là, أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك. Si vous leur obéissez, vous serez certes des mushrikins. Si vous vous détournez de l'ordre d'Allah et de sa législation pour la parole de quelqu'un d'autre et que vous faites passer celle-ci avant la législation d'Allah, cela est le shirk. C'est Ibn Kathir qui dit ça. C'est pas un takfiri ou un shirk de notre époque. Non, c'est Ibn Kathir, le grand commentateur du Coran, celui dont le tafsir fait référence. Il dit que celui qui fait passer une autre législation que celle d'Allah avant celle d'Allah, c'est ça le shirk. C'est ça le shirk, carrément. Et on a déjà cité le verset, « Takhadu ahbarahum rahbanahum arbabam dunillah » Ils ont pris leur moine et leur rabbin comme seigneur en dehors d'Allah, verset 31 surat Tawbah. وروى الترمذي في التفسير عن ابن عدي بن حاتم الترمذي rapporté سنو عدي بن حاتم انه قال يا رسول الله ما عبدوهم الى ديو مساجد d'Allah, nous les adorons pas. Nous avons cité que cette compréhension puérile de l'adoration et du shirk, les gens pensent que adorer un autre qu'Allah, c'est avoir une statue dans sa maison et se prosterner devant cette statue. Et qui lui a expliqué un des sens de l'adoration et du shirk lorsqu'il lui faqal إنهم حلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. Il dit, ils leur ont interdit, ils leur ont permis ce que Allah a interdit, et interdit ce que Allah a permis, et ils l'ont suivi, alors cela, c'est leur adoration. C'est comme ça qu'ils les ont adorés. Donc celui qui suit une autre législation qu'Allah, ou qui accepte qu'un autre qu'Allah ait le droit d'interdire ou de permettre les choses, ou de légiférer en dehors d'Allah, selon les règles de la démocratie ou d'autres règles, ou qui élit un législateur, qui vote pour un législateur en dehors d'Allah, c'est-à-dire il vote en lui donnant, en le nommant comme représentant dans l'assemblée législative pour qu'il légifère en son nom, c'est ça le sens de député dans la religion de démocratie, cette personne-là, il a pris cette personne-là comme seigneur en dehors d'Allah, il est associé à Allah. Celui qui nous dit il est ignorant, nous lui disons Adi ibn Hatim aussi, il était ignorant. Il ne savait pas que suivre la législation des moines et des rabbins, ça faisait de lui quelqu'un qui prend un seigneur en dehors d'Allah. Pourtant, le prophète, il ne lui a pas dit « Ah, vous êtes ignorant, c'est bon, c'est quand même bien guidé. » Il lui a dit non. « Tilka ibadatum » Cela, c'est l'adoration. Et Allah, il a jugé sur eux qui prennent des seigneurs en dehors d'Allah. Quel est le jugement de celui qui prend des seigneurs en dehors d'Allah? C'est un mushrik. « Wa qawluhu ta'ala » et la parole d'Allah « Wa la yushriku fi hukmihi ahada » verset 26 de surat al-Kahf. Et il n'associe personne dans son hukm, dans son jugement, dans sa législation. Qal al-Shanqiti, un savant mauritanien relativement contemporain, dit dans son tafsir Adwa al-Bayan, وَيُفْهَمْ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ كَقَوْلِهِ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا أَنَّ مُتَّبِي أَحْكَامَ الْمُشَرِعِينَ غَيْرَ مَا شَرَعَهُ اللَّهِ إِنَّهُ مُشْرِكُونَ بِاللَّهِ. Et l'on comprend de versets tels que « Voilà, il n'associe personne dans son jugement. que ceux qui suivent les règles des législateurs en dehors de ce qu'a légiféré Allah, qu'ils sont des mushrikoun billah, qui sont des associateurs en Allah. Adwa al-Bayan, volume 4, page 82-83. Donc c'est clair que on voulait citer juste des exemples de formes de shirk. Et comprendre que quand on dit que Allah n'agrée pas le shirk, beaucoup de gens ils vont penser Allah n'agrée pas le shirk, bon ben Allah n'agrée pas qu'on adore les statues, Allah n'agrée pas qu'on mette une amulette autour du cou ou des porte-bonheur, Allah n'agrée pas qu'on jure pour un autre qu'Allah. Oui, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais d'abord, Allah n'agrée pas qu'on invoque un autre que lui, qu'on sacrifie pour un autre que lui, qu'on suive la législation de notre que lui. Ça, Allah ne l'agrée pas. Ne le pardonne pas et interdit le paradis à celui qui le commet. Par les preuves qu'on vient de citer. Al-Thalithatu, le troisième point. Anna man ata'a al-Rasoula wa wahhad Allah la tajouzu lahum wa la tuman hadd Allah wa Rasoula. Le troisième point, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en Allah n'a pas le droit de prendre comme allié ce qui s'oppose à Allah et à son prophète. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٌ. Pas même ses plus proches parents. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ. Ceux-là sont ceux à qui Allah a écrit la foi dans le cœur et qui l'a secouru. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Et il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah les a agréés et ils l'agréent. أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ. Ceux-là sont le parti d'Allah. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et certes, le parti d'Allah est celui qui réussit. Le premier point que le shirk nous a cité par rapport à la parole d'Allah, c'est quoi? Le fait qu'il faut obéir au messager. Qu'Allah nous a créés et qu'il nous a créés pour l'adorer, pour obéir au messager. Tawhid al-Rububiyyah wal-Uluhiyyah. Le deuxième point que le shirk nous a cité, comme quoi Allah n'agrée pas l'association, l'interdiction du shirk. C'est-à-dire qu'une personne pour qu'il réalise l'islam, il doit s'écarter du shirk. Le troisième point qu'il nous cite, c'est quoi? Le fait que celui qui obéit au messager et qui unifie Allah, c'est-à-dire qui a rempli les deux points précédents, il ne doit pas prendre pour allié les kuffars, les mécréants. Et il a cité la preuve que nous venons de citer. On cite d'autres preuves dans ce cas-là et on va détailler ce que signifie prendre les mécréants comme alliés et savoir ceux qui parmi cette chose-là sortent de l'islam et ceux qui ne sortent pas de l'islam. Allah dit Azza wa Jal dans Surat Tawbah, le verset 23. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui avez l'iman, ne prenez pas vos pères ni vos frères comme alliés s'ils préfèrent le kufr, la foi, à la mécréance, على الإيمان, à la foi. ومن يتولهم منكم, et celui qui les prend parmi vous comme alliés, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ils sont certes les injustes. Dans le deuxième verset, surat al-Ma'idah, verset 51, Allah dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ô vous qui croyez, les juifs et les chrétiens sont alliés les uns des autres. Pardon, ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui qui les prend comme alliés parmi vous, il est l'un des leurs. Certes, Allah ne guide pas le peuple injuste. Surat al-Ma'idah, verset 51. Parmi les preuves, donc, que Al-Wala wal-Bara fait partie, est une condition de la foi, est une des parties de Asl-Din, de la base de cette religion. Le verset d'Allah où Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Ma'idah ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, s'ils avaient l'iman en Allah, au prophète, et en ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. C'est la preuve que le fait de ne pas prendre les mécréants pour alliés est une condition de la foi. Si jamais ils avaient eu l'iman, ils n'auraient pas pris les kuffars comme alliés. C'est le sens de la parole d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit que ce verset est une jumla shartiya. C'est une phrase conditionnelle, c'est-à-dire que c'est une condition. Si jamais la condition est présente, le conditionné est présent. C'est-à-dire, si jamais le fait de ne pas prendre les mécréants comme alliés est présent, l'iman est présent. Et ainsi, et inversement. C'est pour ça que les ulama, parmi eux, Cheikh Ahmed ibn Atiq, parmi les savants du Najd, ont dit « Amma mu'adat al-kuffari wal-mushrikin, fa'alam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad awjaba thalik » وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيهم حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. Il a dit dans sa رسالة النجاة والفكاة qui est présente dans le livre مجموعة التوحيد, le fait de prendre en inimité les mécréants, les kuffars et les mushrikins, les idolâtres, sache qu'Allah a rendu obligatoire cela et qu'il a interdit l'alliance avec eux et qu'il n'y a pas dans le livre d'Allah un jugement où l'on trouve autant de preuves et aussi clair que ce jugement-là, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu après l'obligation du tawhid et l'interdiction de son contraire, c'est-à-dire le shirk. Cheikh Ali Al-Khadir Fakallahu Asra, dans son explication de l'usul al-thalatha, il définit ce que signifie al-mu'ala, l'alliance avec les mécréants. Al-mu'ala tanqasimu ila qismain. L'alliance avec les mécréants se divise en deux parties. Mu'alatun kubra, une alliance majeure, wa tusamma al-mu'ala al-mutlaqa al-uzma wa tusamma al-tawalli, on l'appelle aussi al-tawalli wa al-mudahara. Wa hadhihi mukhrijatun min ad-din. Idha wujidat fi mu'min kharaja min ad-din. Si jamais ce tawalli, cette alliance majeure, si un croyant la commet, il sort de la religion, il devient kafir. Wa hiya arba'atu anwa', elle est de quatre sortes. La première, mahabbat al-kuffar li dinihim, le fait d'aimer les mécréants pour leur religion. Comme celui qui aime les hindous pour leur hindouisme, ou qui aime les rafida pour leur chiisme ja'farite, imamite. Celui qui les aime pour leur religion, il devient kafir. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par Muslim, selon Abu Malik al-Ash'ari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi ta'ala. » Celui qui dit « La ilaha illallah » et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et son argent deviennent interdits et son compte est auprès de son Seigneur. Le shir dit « Ash-shahid » la preuve dans ce hadith, wa kafara bima yu'bad, il a mécru à ce qui était en dehors d'Allah, ce qui était adoré en dehors d'Allah. Celui qui aime les kuffars pour la religion n'a pas mécru à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Par exemple, il donne des exemples, Cheikh, et il dit مثل من يحب العلمانيين لأنهم على العلمانية, celui qui aime les laïcs parce qu'ils sont sur la laïcité. ويحب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية. Il aime les démocrates parce qu'ils sont sur la démocratie. ويحب البرلمانيين من أجل أنهم برلمانيون. Et il aime les membres des parlements, les députés, parce qu'ils sont membres du parlement. ويحب القوميين من أجل القومية. Et il aime les nationalistes à cause de leur nationalisme. فهذا والى الكفار ويعتبر كافرا مثلهم. Celui-là a pris comme allié les mécréants et devient un mécréant comme eux. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Celui qui les prend comme alliés parmi vous, il est l'un des leurs. Donc la première alliance avec les mécréants qui fait sortir l'islam, le fait de les aimer pour leur religion. La deuxième, أن ينصر ويساعد الكفار على المسلمين كالذي يعين اليهود على المسلمين في فلسطين أو يعين الأمريكيين على المسلمين في أفغانستان. Il dit celui qui aide et qui secourt les mécréants contre les musulmans. Celui-là est un kafir aussi. Les preuves de cela sont les preuves qu'on vient de citer, les preuves générales. Celui d'entre vous qui les prend comme allié, il est l'un des leurs. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit à ce sujet-là: وَلَكِنَّهُمْ يُجَادِلُونَكُمْ الْيَوْمَ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَصْغِوا لِجَوَابِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ كُلَّ هَذَا حَقٌّ وَنَشْهَدُ أَنَّ دِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا التَّكْفِيرُ وَالْقِتَالُ. Après qu'il a expliqué le tawhid, Cheikh, dans un de ses épîtres, il dit: aujourd'hui, les opposants à cette da'wa font le jidal avec vous, hein, sont dans une comment dire, discutent avec vous, s'opposent à vous avec une choubha, une ambiguïté. Ils disent tout ce que tu as dit est la vérité. C'est-à-dire le tawhid, comme quoi ces actes-là sont du shirk, comme quoi cela c'est la vérité. وَنَشْهَدُوا أَنَّهُ دِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Nous témoignons que cela est la religion d'Allah et de son messager. إِلَّا sauf التَّكْفِيرُ وَالْقِتَلُ. Le takfir, le fait de sortir les gens de l'islam, et le qital, le fait de les combattre. C'est-à-dire les savants du mal à l'époque, Mohammed Abdul Wahhab, ils ont dit: on est d'accord avec toi, c'est tout ce que tu dis. Il faut adorer Allah seul, il faut s'abstenir de faire du shirk, il faut me croire au tarot. Mais deux trucs, on n'est pas d'accord avec toi. Deux choses. Le takfir, le fait de rendre mécréants les gens, ou le qital, le fait de les combattre. C'est exactement comme à notre époque. Il y a des gens, ils te disent: ouais, ce que tu dis, c'est vrai, franchement, c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Mais les implications pratiques, ça, non, c'est trop dur. Il dit: والعجب من يخفي عليه جواب هذا إذا أقر أن هذا دين الله ورسوله كيف لا يكفر من أنكره وقتل من أمر به وحبسهم. Il dit: il est extraordinaire qu'une personne ne puisse pas répondre à cette ambiguïté, car ils ont témoigné que cela est la religion d'Allah et de son messager. Comment, en témoignant que cela est la religion d'Allah et son messager, il ne rend pas mécréant celui qui renie cela, ou qui tue celui qui ordonne cela, ou qui le met en prison? On témoigne que unifier Allah par la législation, c'est la vérité, c'est le tawhid ou quoi que ce soit. Mais celui qui ordonne cela, qui rend mécréant ceux qui prennent les législateurs avec Allah, ou qui veut établir l'État islamique, on le jette en prison, on le torture, on le quoi que ce soit. Comment ne pas sortir de l'islam quelqu'un qui fait ça? وَكَيْفَ لَا يُكَفِّرْ مَنْ جَاءَ إِلَى أَهَلِ الشِّرْكِ يَحُثُّهُمْ عَلَى لُزُومِ دِينِهِمْ وتزينه لهم ويحثهم على قتل الموحدين واخذ مالهم. Bon, là, il dit ensuite: والأدلة واعلموا et sachez أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر. Il dit: sachez que les preuves pour faire sortir de l'islam le musulman pieux s'il associe à Allah, ou qu'il se met avec les mushrikines, contre les muahidines, avec les idolâtres, contre les monothéistes, ou alors les mushriks, même s'il ne fait pas d'association, akthar min an tuhsa. Les preuves de cela sont plus nombreuses que tu ne peux les compter. Min kalam illah, parmi la parole d'Allah, kalam rasulihi, wa kalam ahlil ilm kullihim, et parmi la parole des savants, de tous les savants. Question de l'Wala ou al-Bara, la question de l'Wala ou al-Bara est une question où il y a beaucoup de sous-questions, entre guillemets. Il rentre dans le fait de se désavouer des mécréants, bien sûr le fait d'appliquer le jugement d'Allah sur eux en les sortant de l'islam, le fait de ne pas leur ressembler avec le tafsil sur ça, le fait de ne pas célébrer leur fête avec le tafsil sur ça, etc., etc. Avec chaque fois un développement sur ces questions-là. Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Al-Muhalla, le volume 13, la page 138-139, فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُخْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌ لَوْ أَحْكَامَ الْمُرْتَدِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ وَمِنْ إِبَاحَةِ مَالِهِ وَانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Il a dit: il est établi que celui qui rejoint la terre de mécréance ou de guerre, en n'étant pas sous la contrainte, muhariban liman yalihi min al-muslimin, en faisant la guerre avec aux musulmans. Fa huwa bi hadha al-fi'l, il est par cet acte. Il n'a pas parlé de croyance ou de quoi que ce soit, par cet acte. Murtad, apostat. La ahkam al-murtad kulliha, il a les règles, on applique sur lui les règles de l'apostat, toutes les règles de l'apostat. Obligation de le tuer si on en a la possibilité. Ses biens sont permis. Son mariage est annulé et autre chose que cela. Donc, Cheikh Abu Muhammad ibn Hazm, l'imam al-Zahiri, il a établi clairement que cette chose-là, le fait de prendre allié les mécréants contre les musulmans, était clairement de la mécréance. On détaillera avec l'aide d'Allah cette question-là lorsqu'on expliquera avec l'aide d'Allah les annulations de l'islam. En détail, les 10 annulations de l'islam établies par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et déduites du Coran et la Sunna. On cite cette parole d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il y avait la bataille entre les Tatars, qui étaient donc des Mongols qui avaient prétendu appartenir à l'islam, mais qui appliquaient entre d'autres lois que celles d'Allah et étaient sortis de la Sharia. Cheikh l'islam a été demandé à propos du fait de les combattre. Il a écrit de nombreuses et longues fatwas et nombreuses fatwas sur le fait que ces gens n'étaient pas des musulmans et qu'il était obligatoire de les combattre. Et il dit dans ses fatwas, le volume 28, la page 534, « فَمَنْ قَفَزَ مِنْهُمْ إِلَى التَّتَارِ كَانَ حَقَّ بِالْقِتَالِ كَانَ حَقَّ بِالْقِتَالِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّتَارِ فَإِنَّ التَّتَارَ فِيهِمُ الْمُكْرَهُ وَغَيْرِ الْمُكْرَهُ وقد استقرت السنة أن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. Il dit celui qui rejoint les Tatars, parmi les musulmans, c'est-à-dire parmi l'armée des musulmans, il rejoint les Tatars. Il devient plus obligatoire de le combattre que beaucoup parmi les Tatars. Car parmi les Tatars, il y a des gens qui sont sous la contrainte et d'autres qui ne sont pas sous la contrainte. Et la sunna a été établie comme quoi le châtiment de l'apostat est plus grand que le châtiment du mécréant de base. De plusieurs manières. Donc il a établi que celui qui rejoint les Tatars devient apostat directement. Donc celui qui aujourd'hui rejoint ceux qui combattent les musulmans, contre les musulmans, il devient apostat sans aucun doute. On a cité les preuves du Coran et la Sunna. De la sunna, il y a le hadith « Anabari umikuni muslim yuqimu bayna adhar al-mushrikin » rapporté par Abu Daoud. « Je suis innocent de celui qui vit au milieu des mushrikin. » »« Je désavoue celui qui vit au milieu des mushrikin. » Et on a cité les paroles des ulama. Et on détaillera, inshallah, ce point de manière plus détaillée lorsqu'on expliquera les annulations de l'islam. Donc ça, c'était la deuxième sorte qui fait sortir de l'islam. La deuxième sorte d'alliance avec les mécréants qui fait sortir de l'islam. La troisième, walat al-muwafaqa wal-mutaba'a. Le fait de s'allier avec les mécréants en étant en accord avec leur religion et en suivant leurs lois. C'est ce qu'on voit à notre époque. C'est le fait de les suivre dans leur mécréance. Le cheikh Al-Khader cite l'exemple, il dit par exemple, qu'ils fassent l'éloge de leur mécréance pour qu'ils l'aident, par exemple. Une personne qui veut l'aide de mécréants, par exemple, et qui fait l'éloge de leur mécréance. Oh, votre religion, quoi que ce soit. Ça rentre dans ce genre de Mualat Kubra. Le fait que cette personne-là est un kafir par cela. Al-Mualat Sughra. Le fait que l'alliance mineure, c'est-à-dire l'alliance qui est un grand péché mais qui ne fait pas sortir de l'islam, il y a beaucoup de choses, mais pour donner une définition générale, كل ما يؤدي إلى توفير الكفار وتوقير الكفار واحترامهم وتعظيمهم. Le fait, tout ce qui aboutit au fait d'élever les kuffars et de montrer du respect envers eux, de manière générale. Ces choses-là, ça fait partie des grands péchés. Par exemple, le fait de les honorer lorsqu'il y a une assemblée, de les honorer dans les assemblées, de leur donner une autorité quelconque contre les musulmans, ça fait partie des grands péchés. Pas une autorité politique, législative, une autorité même de manière... ça fait partie. Le fait de leur présenter les félicitations pour leur fête, par exemple, de leur souhaiter leur fête, On parle des fêtes qui ne sont pas religieuses. Parce que selon les ulémas, celui qui félicite les koufars pour leurs fêtes religieuses, c'est un kafir. Ils ont cité cela dans leurs livres, particulièrement les Ahnaf. C'est connu des savants du madhhab Hanafi. Il y a cette parole connue d'Abu Hanifa, comme quoi celui qui... Eh ouais. C'est rapporté par un savant Hanafi qui s'appelle Mohammed ibn Ismail al-Rashid al-Hanafi, en fil khulasa, dans un livre de madhhab Hanafi, il dit « Man ahda baydatan ila al-majus, yawm al-nayrus kafar » Celui qui offre un œuf à un majus, le jour du Nayrouz, c'est le jour de l'an en fait, le jour de l'an pour les Zoroastriens, leur fête, kafar, à mécru. C'est comme celui qui offre un cadeau de Noël par exemple à un kafir, si on applique cette fatwa, selon le madhhab Hanafi, il devient un kafir. Ce qui est très grave. Bien sûr, l'interdiction est établie de fêter les anniversaires, de fêter les fêtes des mécréants, comme les jours de l'an, ou les fêtes nationales. Abdullah ibn Amr ibn al-As, le compagnon, a dit « Man bana bi bilad al-a'ajim » celui qui construit dans le pays des non-arabes, c'est-à-dire des mécréants dans ce sens-là. « Fasana'a nayrouzahum wa mahrajanahum » et qui célèbre leur nayrouz ou leur mahrajan. Ce sont deux fêtes parmi les fêtes des Perses. « Wa tashabbaha bihim hatta yamut » et qui les imite jusqu'à ce qu'ils meurent. « Wa huwa kadhalik » et il est dans cet état. « Hushira ma'ahum yawm al-qiyama » il sera ressuscité avec eux le jour de la résurrection. C'est rapporté par Al-Bayhaqi. Demandons à Allah qu'il nous en préserve. Bien sûr, parmi l'alliance mineure, c'est le fait d'imiter les mécréants de manière générale. Et il y a un tafsir sur cette question-là, Inch'Allah, on le détaillera plus tard. Il y a des sortes d'imitations, bien sûr, qui font sortir de l'islam. On le trouve aussi, par exemple, dans certains livres des savants Hanafi. On va citer un savant malikite qui est le Qadi Iyad. القاضي عياد يدي في son livre الشفاء وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدر الا من كافر et par cela nous rendons mécréants pour tout acte auquel les musulmans sont unanimes qu'il ne peut être fait que par un mécréant. D'accord, tout acte qui ne peut être fait que par un mécréant, les savants et les musulmans sont unanimes comme quoi c'est un kafir. وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام ما فعله. Et même si celui qui le fait c'est-à-dire prétend appartenir à l'islam. وذلك كالسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها بزيهم. Comme le fait de marcher vers les églises et les mosquées en portant les vêtements de ces gens. Le fait de nouer az-zinnar. Az-zinnar, c'est quoi? C'est une corde qui différenciait les chrétiens dans l'État islamique. Le fait de raser le centre de la tête comme les moines. Les mécréants sont unanimes pour dire que ces actes-là ne proviennent que d'un mécréant, ne sont commis que par un mécréant. Donc les savants, ça c'est dans Shifa, le volume 2. Donc les savants anciens, ils considèrent que ces actes-là sont les actes qui font sortir l'islam. Les rois qui portent des croix, si on se base sur ces questions-là, c'est ce roi qui porte une croix, que cette croix soit chrétienne, comme le croient certains, ou que ça soit une décoration maçonnique, comme c'est le plus... Hein, la croix de Malte qu'a portée le roi Fahd lorsqu'il a été couronné, et qu'il est parti rencontrer la reine d'Angleterre et qu'il a décoré de la croix de Malte. Si on dit que c'est une croix chrétienne, c'est un kafir, parce qu'il a mis un symbole de la religion des mécréants. Si on dit que c'est une croix maçonnique et que c'est le fait d'acquérir un niveau extrêmement important dans la franc-maçonnerie, c'est un kafir aussi, parce que la franc-maçonnerie, c'est du kufr à l'unanimité. Donc, de toute façon, par cet acte-là, c'est une preuve de plus de son kufr, parce que ce n'est pas la seule. Parmi les exceptions de l'alliance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam, Cheikh Ali al-Khader dit Antazurahum tahdi ilayhi min ajli da'watihim. Il dit le fait que tu visites les mécréants et que tu leur fasses des cadeaux pour les appeler à l'islam. والدليل ما جاء في الحديث من حديث سعيد بن مسيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب هذه الزيارة دعوة للتوحيد. La preuve de cela, c'est ce qu'a rapporté le Bukhari dans son Sahih, selon Saïd ibn Musayyib, selon son père, comme quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à son oncle Abu Talib au moment de sa mort pour l'appeler à l'islam. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed, comme quoi il a visité un juif, le fils d'un juif qui était malade, et comme quoi il est rentré dans l'islam. En ce qui concerne le salam, il dit. أما السلام فلا يجوز أن تبدأ من أجل الدعوة. Il dit السلام, il n'est pas permis de dire السلام عليكم à une personne pour lui faire دعوة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم, la preuve est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. Ne commencez pas ou ne dites pas aux juifs et aux chrétiens السلام en premier. ويجوز أن يقول لبرمي كيل ديز السلام على من اتبع الهدى السلام لا بي sur celui qui suit la guidée. هذه جائزة للابتداء بها. Il est permis de commencer par cela. Et c'est venu dans le Coran, dans l'histoire de Moussa avec Pharaon. Il dit أما لو سلم العلماني والنصراني فلك أن ترد بقولك عليكم. Et si jamais un laïc ou un chrétien te passe le salam, tu peux lui répondre en lui disant alaykoum. Amma l'ibtida fa mamnou. Le fait de commencer, c'est interdit. Wal musafaha mithl l'ibtida bis salam, wal musafahatu salam amali, fala tabta'ihu, lakin law safahaka falaka an tarud. Il dit le fait de serrer la main, c'est comme le salam. C'est son avis à lui. Il dit il ne faut pas commencer à Allah lui serrer la main. S'il vient pour serrer la main, il est permis de lui répondre comme le salam. Mais il ne faut pas commencer par lui serrer la main. C'est l'avis du cheikh. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.